Chapitre 7e. Le ciel avait les tons lumineux et les splendeurs de l'été. À peine était-on au mois d'avril qu'on pouvait se croire au mois de juin. Les bourgeons animés d'une vie intense couvraient les noirs rameaux d'une verdure jeune et frissonnante. L'air chaud hâtait le réveil de la sève qui bouillonnait sous l'écorce. Tout chantait, tout bourdonnait, tout frémissait, l'insecte, le rameau, l'oiseau, la fleur. C'était dans l'espace comme un ruissellement de vie, sur la terre un épanouissement. On respirait des senteurs enivrantes, on se baignait dans la lumière, une atmosphère pénétrante vous envahissait de toutes parts. Il y avait dans toutes les choses extérieures comme une exubérance de force qui montait au cœur et au cerveau. Le passage des heures changeait l'aspect de la campagne, mais n'en diminuait pas le rayonnement. À l'éclat magnifique du jour succédaient les langueurs irritantes de la nuit. Les étoiles semblaient remplir les horizons silencieux de clarté plus limpide, comme les brises chaudes de la jeune saison remplissaient les bois de plus de caresses. La création s'imposait à l'homme et lui communiquait sa fièvre. C'était le réveil du dieu Pan. Depuis l'histoire de Jean Leblanc, l'attitude de Philiberte était changée. Si elle ne fuyait plus Monsieur de Carlepont, elle l'évitait encore et par intervalles. Il avait eu cette délicatesse hautaine de ne pas lui rappeler quelle voie l'avait poussée dans cette aventure. Elle lui en voulait peut-être, mais en l'estimant davantage. Du côté de l'orgueil, elle le trouvait son égal. Quelquefois, ses yeux perdaient de leur éclat rigide et dur en le regardant. Il y avait aussi plus de mollesse dans son sourire, plus d'attendrissement dans sa parole. On voyait passer tout à coup des frissons sur le tissu nacré de sa peau, des rougeurs subites empourpraient s'éjouer ses épaules. Jamais elle n'avait contemplé les frondaisons nouvelles des bois d'un œil plus humide. Jamais les murmures qui s'échappent du fond des solitudes n'avaient trouvé son oreille plus attentive. Elle ouvrait son âme endolorie et tourmentée aux harmonies de l'espace, du silence, de la nuit. Cela l'étonnait et l'inquiétait, mais le charme de la saison le captivait. La sève du printemps gonflait ses veines et son cœur. Un soir, elle était accoudée à sa fenêtre. Un vent léger faisait trembler le feuillage et palpiter les bougies. Elle regardait les perspectives ouvertes dans les ténèbres de la forêt que baignait une lumière incertaine. Au-dessus des arbres, doucement agités, la lune coupait de son croissant lumineux et fin le ciel bleu tout piqué d'étincelles. La tête dans sa main, et vêtue d'une légère robe de mousseline dont le tissu diaphane se prêtait au soupir du vent, Philiberte sentait courir dans ses artères un frisson qui, par secousses, suspendait ou précipitait les pulsations de son cœur. Une lassitude générale qui n'était pas sans charme l'accablait. Elle n'entendait plus rien de la vie et cependant, elle ne l'eût pas quittée sans d'amers regrets. La jeunesse était en révolte, dans son âme alanguie. Tout lui semblait beau au sein de cette nature qui dormait. Une risée de vent imprégnée de senteurs pénétrantes passa dans la campagne et remplit de son plaintif la ceinture des bois. De longs chuchotements doux, incertains, entrecoupés, suivirent ce vol passager de la brise. Mademoiselle de Montmeillan en écouta les vibrations fugitives avec une sorte d'ivresse qu'elle ne s'expliquait pas et cacha son visage entre ses mains. En ce moment, elle entendit un bruit léger sur la lisière du parc, et levant ses yeux tout mouillés de larmes contenues, elle aperçut une ombre arrêtée au bord d'une traînée de lumière qui tombait sur l'herbe entre deux bouquets d'arbres noirs. Elle devina que c'était Monsieur de Carlepont. Pourquoi resta-t-elle à sa place, éclairée en plein par la flamme des bougies qui dessinait sa silhouette dans l'encadrement sombre de la fenêtre? Le duc abandonna son poste d'observation, traversa un pan de gazon d'un pas inégal, entra dans une zone d'ombre et s'y arrêta quelque temps encore. Philiberte était toujours immobile. Son cœur, qu'elle croyait inerte, battait à l'étouffer. Un moment après, elle vit Monsieur de Carlepont devant elle, le front nu, les traits pâles, les yeux pleins de flammes. Elle fit un mouvement, il s'empara de sa main, et d'une voix qui tremblait, mais dont les notes graves bouleversaient tout son être, « Ah, je vous aime comme un insensé, » dit-il. L'appui de la fenêtre les séparait. Saisie d'une sorte de vertige, Mademoiselle de Montmeillan laissa tomber ses bras autour du cou de Monsieur de Carlepont. « Dieu me pardonne, » dit-elle. La voix mourut sur ses lèvres. On n'entendit plus aucun son, on ne vit plus son ombre. Le lendemain, vers midi, on pouvait voir Philiberte dans le salon assise à son piano. Elle était un peu pâle et jouait d'une main nerveuse. Monsieur de Montmeillan, ravi, l'écoutait, debout devant la cheminée. La pluie battait les vitres secouées par les rafales d'un vent d'orage. Quelquefois, des groupes de notaliers s'échappaient du clavier retentissant. Quelquefois, les mains de Philiberte s'arrêtaient. On vit tout à coup un ruisseau de larmes inonder ses joues. Le père s'élança et la prit dans ses bras. « Qu'as-tu, mon enfant ? » demanda-t-il. « Rien, » répondit Philiberte qui frissonnait. « C'est leur âge, » dit la baronne qui entrait en ce moment. « Pour un peu, je pleurerai aussi. » Elle soupira, souleva l'un des rideaux de la fenêtre et battant les vitres du bout de ses doigts. « C'est aujourd'hui vendredi. Autrefois, nous allions à l'opéra le vendredi, » murmura-t-elle. Un observateur attentif aurait pu remarquer que M. de Carlepont ne passa plus la nuit au château de Bray à partir de ce moment-là. M. Donatien constata seulement que le cheval favori de son maître ne dormait pas souvent à l'écurie. Le retour de la belle saison avait ramené dans les campagnes voisines quelques-uns de leurs hôtes accoutumés. De nouveau, l'herbe de la cour de Bray était foulée par des voitures et des cavaliers. Madame de Montmeillan parla d'organiser un bal au profit de quelques pauvres ménages dont les chaumières avaient pris dans un incendie. Contre son habitude, Philiberte battit des mains et parut à la fête en robe blanche, parée de quelques bijoux et animée d'une gaieté qui se montrait trop expansive pour être sincère. Elle dansa toute la nuit. Monsieur de Montmeillan, troublé au milieu de ce luxe d'un jour, où on sentait l'effort, la suivait des yeux d'un air rayonnant. La baronne, évaporée et couronnée de roses, donnait de petites tapes sur les épaules de sa fille. « Elle croit que le bonheur est de ce monde, » disait-elle en regardant de tous côtés pour voir si on l'écoutait. Monsieur de Carlepont fut peut-être la seule personne à laquelle Philiberte ne parla pas. Un étranger aurait pu croire qu'il y avait entre ces deux êtres, jeunes et beaux, un sentiment de haine, ou tout au moins de prévention. Leurs regards ne se rencontraient pas, ils se heurtaient. Cependant, quelque chose allait de l'un à l'autre qui eût intéressé un physiologiste. Lorsque le duc, évité par Mademoiselle de Montmeillan, offrait son bras à l'une des femmes réunies dans les salons de Bray et s'éloigna un instant, les yeux de Philiberte devenaient noirs. Sa voix prenait des accents secs et brefs. Cependant, elle valsait et riait aux éclats. Vers la fin du bal, le baron, qui observait sa fille comme un astronome une planète inconnue, tout à coup découverte dans les profondeurs du firmament, devint songeur. Il lui semblait qu'elle riait trop. Il s'approcha du duc et lui poussant le coude. « Qu'a-t-elle donc ? » dit-il. « Moins gaie, je la croirais plus heureuse. » Monsieur de Carlepont éprouva la sensation d'un homme dont les chairs seraient tout à coup déchirées par la pointe d'un bistouri. « Elle danse, laissez-la danser, » répondait-il sans trop savoir ce qu'il disait. Aux lueurs roses du matin, Philiberte rentra dans sa chambre. Elle était pâle à faire peur. « Ah, quelle lassitude » dit-elle. Elle tomba dans un fauteuil et y resta comme anéantie, les yeux secs et luisants. Ses regards, qui ne cherchaient rien, rencontrèrent un bijou oublié la veille sur le coin d'un meuble. C'était un sifflet d'or artistement ciselé dont le duc se servait pour appeler ses chiens. Elle tressaillit comme au choc d'une étincelle électrique. « Ah, malheureuse » dit-elle. À quelque temps de là, M. de Carlepont surprit Philiberte, suivant un chemin creux bordé de haies. Il la reconnut entre deux touffes d'aubépines. Elle marchait fort vite, les yeux à terre. Le duc jeta la bride de son cheval à un petit garçon et allongea le pas dans la direction que prenait Mademoiselle de Montmeillan. Elle ne retourna pas la tête une seule fois. Il la vit bientôt entrer dans une vieille église où, durant la semaine, personne ne s'arrêtait jamais, si ce n'est quelque bonne femme accablée par le poids de la vie. Mademoiselle de Montmeillan n'avait aucune prétention à la piété. Ce mouvement indiquait un trouble d'esprit ou tout au moins quelque chose d'insolite qui poussa le duc à pénétrer à sa suite dans l'église. Philiberte s'agenouilla dans un coin sombre et resta quelque temps en prière. La nef était déserte. On n'y entendait pas d'autre bruit que la toux sèche d'un enfant caché avec sa mère dans une chapelle écartée. Monsieur de Carlepont regarda autour de lui. La vieille église était délabrée, le pavé raboteux, inégal, brisé çà et là, et semé de pierres sépulcrales. La toiture menaçait ruine. Les arceaux romans, appuyés sur de robustes piliers trapus, avaient une couleur verdâtre. Des tombes se voyaient contre les murs. Une froideur glaciale descendait des voûtes. Que venait faire dans cette ombre cette femme jeune et belle qui ne croyait pas? Une impression de tristesse mystérieuse s'empara de M. de Carlepont. La toux rauque de l'enfant s'entendait par intervalles. Bientôt le duc vit passer le pauvre petit, pâle et chétif, conduit par une femme qui avait les yeux rouges. « Dieu vous assiste, » dit-il à la mère. « Dieu me le garde, » répondit-elle. Mademoiselle de Montmeillan se leva et fit le signe de la croix. Sous le porcher de l'église, elle rencontra Pierre et ne témoigna aucune surprise. « Tant mieux, » dit-elle, comme si elle eût répondu à une réflexion antérieure. Elle appuya son bras sur celui de M. de Carlepont, ce qu'elle n'avait pas fait depuis un mois, et l'entraîna du côté d'un cimetière abandonné qu'on voyait derrière l'église. C'était un endroit plein d'ombre, sauvage, et qui invitait au silence. Les pierres disparaissaient dans un tapis d'herbes folles. Des arbrisseaux fleuris, des viernes, des sureaux, y mêlaient leur feuillage dans un grand désordre. Un pan de mur en ruine, tout chargé de lierre et de chèvrefeuilles, séparait le cimetière des champs voisins. Des ronflements légers soulevaient le gazon çà et là. « Je voulais vous faire mes adieux, » poursuivit Mademoiselle de Montmeillan. « Mieux vaut que ce soit aujourd'hui que demain. Vos adieux, » répéta M. de Carlepont. « Eh oui, je suis perdu. » Le duc tressaillit, mais sans lui laisser le temps de répondre. « Il y a des situations qu'il faut savoir envisager de face, » reprit Philiberte, « lors même qu'on ne veut pas les accepter. Ne montrez pas plus d'étonnement que j'ai montré de désespoir. Notre histoire est bien simple. Vous étiez désœuvré quand vous m'avez rencontré. Personne n'était là qui pût faire concurrence à ce qui a été ma jeunesse, à ce qu'on appelle ma beauté. Vous m'avez aimé, m'avez-vous aimé seulement? Rongé d'ennui, là sans avoir vécu, découragé avant d'avoir lutté, là m'harassé, désabusé de tout sans rien connaître, indifférent à moi-même, attristé par la perte d'une illusion dont je ne souhaitais pas le réveil, lourde à mes souvenirs, dévoré de regrets sans issue et de désirs sans espérance, un jour, une émotion mensongère m'a vaincu. J'ai bien compris plus tard, mais trop tard, que je n'avais même plus la force d'aimer. À présent, ma résolution est prise. « Philiberte !» s'écria le duc. « Oh, ne tremblez pas, vous ne me devez rien, et je ne vous demande rien. » Mademoiselle de Montmeillan venait de quitter le bras de M. de Carlepont. Elle marchait d'un pas ferme, le visage impassible comme le jour où le duc l'avait rencontré auprès des bohémiens. Un tremblement des paupières et des lèvres trahissait seul l'émotion qui la dévorait et qu'elle enchaînait. Éperdu, et ne sachant encore si elle avait toute sa raison, Pierre supplia sa compagne de ne pas arrêter sa pensée sur une chose impossible. Elle sourit. « Ne vous jetez pas dans un flot de paroles inutiles, » reprit-elle. « D'ailleurs, je ne suis pas morte encore. Mais si hasard ne me sauve pas, je n'attendrai pas, pour disparaître, que l'épreuve de ma folie éclate aux yeux de tous. J'avais 25 ans lorsque le hasard m'a placé sur votre chemin. Toute ma raison, toute ma liberté d'esprit, tout mon désenchantement. Ce que vous avez fait, tout autre l'eût fait à votre place. De plus, vous ne m'avez rien promis. Je n'avais qu'à me défendre mieux. Donc, je vous l'ai dit, vous ne me devez rien et je ne réclame rien. » Et c'est dans une église que je vous trouve. Je n'allais pas y chercher le courage ou la résignation. Peut-être cependant m'y suis-je confessé à Dieu. Je suis sorti sans que mon âme ait fléchi, sans qu'elle se soit élevée contre vous non plus. » Une expression de tristesse poignante accompagna ces paroles. C'était comme le renoncement complet d'une âme que rien ne rattache plus à la vie. Point de larmes dans ses yeux que M. de Carlepont avait vu baigner de pleurs dans d'autres moments, mais sur le visage la blancheur du marbre. Arrivée à l'extrémité du cimetière, Mademoiselle de Montmeillan se retourna. Un grand soleil d'été en éclairait la solitude. Rien n'y vivait, ni l'herbe, ni la feuille, ni l'insecte assoupi par un flot de ragnons. Elle salua les tombes d'un regard fiévreux et sortit par l'une des brèches de la muraille. L'un près de l'autre, Philibert et M. de Carlepont prirent par le même petit chemin creux qu'ils avaient suivi une heure auparavant. Des moutons, gardés par deux filles, tondaient l'herbe des talus. L'une d'elles, qui tricotait, laissa tomber ses aiguilles et, regardant passer Philibert, pressa le cou de sa compagne. « Quelle belle robe » dit-elle. « Qu'elle est heureuse, la demoiselle de Bray. » Mademoiselle de Montmeillan sourit doucement et continua sa marche. Monsieur de Carlepont songeait à ce que lui avait dit Monsieur de Bléré. Il était muet et comme écrasé. Il trouva la baronne qui lisait un volume de poésie sous un grand saule. Au moment de monter le perron du château, Philibert tendit la main à Monsieur de Carlepont. « Adieu, » dit-elle. « Je ne vous en voudrai pas si vous partez. » Monsieur de Carlepont la suivit. Dans la soirée, l'effort qu'elle avait fait sur elle-même depuis le matin revêtit les traits de Philibert d'une expression de souffrance qui ne pouvait échapper à Madame de Montmeillan. Entre ces deux créatures qu'il aimait également, le baron, inquiet, timide, hésitant, se promenant, soupirait, n'osait parler et craignait de se taire. Philibert, qui était auprès de la fenêtre, l'ouvrit pour respirer plus à l'aise. Une chouette qui voletait le long des bois fit entendre son cri sinistre. Mademoiselle de Montmeillan se rejeta en arrière et chancela. « Mon enfant !» s'écria le baron qui courut vers elle les bras ouverts. Elle s'y jeta et éclata en sanglots. Le cri du père remua M. de Carlepont. Les larmes de Philibert achevèrent de le vaincre. Comme un flot qui rompt ses digues, la pensée austère du devoir l'envahit tout entier. Il fit un pas vers le père et la fille. « Monsieur le baron, voulez-vous me faire l'honneur de m'accorder la main de Mademoiselle de Montmeillan ?»« Oh mon Dieu !» dit le père. Il allait répondre. Un regard de sa fille l'arrêta. « Monsieur le duc, » reprit-il d'une voix tremblante, « veuillez causer avec Philibert. Elle est libre de disposer d'elle-même. » Monsieur de Carlepont s'approcha de la fenêtre ouverte près de laquelle Philibert restait debout. « Mademoiselle, » dit-il tout bas, « vous n'êtes pas de celles qu'on attendrit par des prières. Mais songez que vous n'êtes plus seul au monde. » Les yeux de Philibert devinrent noirs. « Ah ! Quelque chose me dit que nous ne serons pas heureux, » répondit-elle. « Mademoiselle, je suis bon gentilhomme et je vous promets un dévouement sans bornes, mais il ne s'agit pas de nous en ce moment. » Monsieur de Carlepont, qui venait de se taire, tourna ses regards vers Monsieur de Montmeillan à la dérobée et les reporta sur Philibert. Un attendrissement subit passa sur le visage de Mademoiselle de Montmeillan, et avec un grand effort, mettant sa main dans celle du duc. « Eh bien, qu'il soit fait suivant votre volonté. » Comme il se retournait pour demander à Madame de Montmeillan son consentement, M. de Carlepont rencontra devant lui le baron qui pleurait. Interdit, il s'arrêta. Le baron prit la main du duc et humblement, sans parler, la porta à ses lèvres. Pierre sentit que son cœur se fondait, et un mouvement spontané le porta dans les bras de M. de Montmeillan. « Ah, monsieur !» dit le père, et il ne put pas continuer. Peu de jours après cette soirée, qui détermina un si grand changement dans l'existence de M. de Carlepont, M. de Bléré recevait une lettre ainsi conçue. « Vous me l'aviez dit, je ne le croyais pas, je ne le voulais pas, et la chose s'est faite comme vous me l'aviez annoncé. » À la fin du mois, je serai le mari de Mademoiselle de Montmeillan. Je retrouve dans ce mariage conclu en une heure la trace maligne de ce hasard capricieux qui a été l'inspirateur et le guide des principales actions de ma vie. Peu d'hommes, avec toutes les conditions de fortune et de liberté qui permettent d'arranger les événements à leur guise, ont été moins que moi les maîtres de leur existence. Et le plus curieux, c'est que je ne puis pas sans injustice et à la manière des héros antiques attaquer la fatalité. Seul j'étais l'ouvrier, seul j'ai tout fait, et les matériaux bizarres dont ma vie est composée, c'est moi qui les ai choisis et préparés. Y aurait-il vraiment deux êtres en nous, comme l'assure une philosophie railleuse, l'un qui combine et médite, l'autre qui agit, et cela sans tenir compte des goûts et des plans de son associé? Si on m'avait dit à l'époque où j'ai quitté Paris pour le Rocher que je deviendrais le mari d'une femme, dont la mère n'a pas plus de tête que son bonnet, d'une femme que le vice de son éducation a marqué de le berceau pour les idées faussées mauvaises, j'aurais, suivant l'heure, pris la fuite pour les mers de la Chine, ou ri comme un écolier à sa première escapade. Et cependant, la baronne de Montmeillan, vous l'avez vue, vous la connaissez, m'aura pour gendre, moi, Pierre de Carlepont. Vous vous imagineriez peut-être, vous qui avez dans l'esprit le goût de la logique et l'habitude de ses déductions, que je suis la proie de ce vertige causé par les invincibles passions auxquelles on doit que Roméo expire sur le tombeau de Juliette, et que Samson s'expose à la mort pour embrasser les genoux de Dalila. Point. Je suis peut-être fasciné, je ne suis pas ému. Un jour, Philiberte m'a dit un mot terrible, suivi d'un point d'interrogation. M'avez-vous aimé seulement ? Je n'ai pas répondu, et je n'avais rien à répondre. Je n'ai pas à lui reprocher l'apparence d'une coquetterie, aucun de ces pièges familiers auxquels tant d'hommes trouvent du plaisir à se laisser prendre. Elle a été droite, hautaine, sincère, cassante, dédaigneuse, et c'est là peut-être ce qui m'a perdu. Bonne, sensible, aimante, la raison saine et le cœur simple, elle eût passé près de moi sans être regardée. L'esprit a donc ses curiosités perverses, ses attractions maladives. Ah, pauvre cœur de l'homme! Je me rappelle quelquefois en souriant la légende grecque du sphinx. J'ai trouvé un sphinx au fond du Maine et il m'a dévoré. Le mariage se présente à moi sous des aspects terribles. Je l'ai toujours et vaguement redouté. Il me semble, et pardonnez-moi cette comparaison scientifique, que c'est un composé formidable de deux substances ennemies, de deux gaz contraires. Un hasard, une combinaison chimique les amalgame et les confond. Resteront-ils unis dans le récipient ou feront-ils explosion ? Sera-ce un diamant ou un coup de tonnerre ? Comment se fait-il qu'ayant cette crainte, je me sois lié pour l'éternité de ce monde à un être dont les molécules ne sont pas physiologiquement en sympathie avec les miennes ? Là est un mystère que je ne me charge pas d'expliquer. Je ne vous dirai pas quelles réflexions m'ont assailli après la démarche décisive qui m'enchaîne à tout jamais. Vous les comprenez à demi. Peut-être eussiez-vous ri en me voyant courbé sur l'encolure du cheval qui me ramenait paresseusement au rocher. La pauvre bête, qui a le caractère gai et l'humeur pleine de caprices, marchait comme l'âne du moulin, d'un pas traînant et lourd. Je me suis rappelé les deux vers classiques du récit de Théramène et les lancé au galop. Une chouette que j'ai entendue à Bray dans la soirée s'est obstinée à pousser de grands cris dans les bois. On aurait pu croire qu'elle me suivait. Ce gémissement m'agaçait les nerfs. J'ai tiré de ses fontes une paire de pistolets que je porte toujours la nuit, car le pays est désert et les braconniers m'en veulent depuis l'histoire de Jean Leblanc, et j'ai déchargé les deux coups en l'air. Le son éclata dans les ténèbres, roula profondément loin et s'éteignit. Le hurlement de l'oiseau m'accompagnait toujours. Jack, vous vous en souvenez, c'est le noir qui a une étoile blanche au milieu du front, a fait un bond terrible, et j'ai traversé la forêt comme le chasseur de la légende. Ma monture, que j'aiguillonnais sans savoir pourquoi, est entrée à fond de train dans la cour du rocher. Tout effaré, M. Donatien m'a reçu un flambeau à la main. « Et qu'y a-t-il donc ? » s'est-il écrié en me voyant descendre d'un cheval blanc d'écume. « Jack s'est-il emporté ?»« Non, je me marie. » ai-je répondu. « Que Dieu bénisse, monsieur le duc !» a dit monsieur Donatien. Je me suis mis à rire, et allumant un cigare, je suis rentré chez moi où le sommeil ne m'a surpris que le matin. Voilà comment s'est passée la soirée de mes fiançailles. Que ce récit n'aille pas vous faire croire au moins que je suis semblable à un héros mélancolique de l'école des désespérés. Je dors, je mange, et l'occasion aidant, je ris comme un Gaulois. Si la chose était à refaire, je la recommencerais. La vérité me fait ajouter que Mademoiselle de Montmeillan n'est ni joyeuse ni triste. Heureuse vaudrait mieux. On inspire ce qu'on peut. Je ne voudrais pas m'avouer à moi-même qu'elle me paraît résignée. Cela est, cependant. Il y a des heures où je surprends dans ses yeux impénétrables un rayonnement plus doux. Quelque chose, une lueur, un éclair où l'attendrissement se fait boire. Cela m'échauffe et me remue. Si je me hasarde alors à lui prendre la main, elle me l'abandonne. Nos yeux se rencontrent et je sens grandir et se développer en moi un désir sincère et fort de me dévouer tout entier au bonheur de celle qui bientôt portera mon nom. Monsieur de Carlepont ne disait pas tout, mais ce qu'il disait suffit pour déterminer Monsieur de Bléré à partir pour le rocher. Il connaissait déjà Mademoiselle de Montmeillan. Rien ne lui parut changer dans cette maison qu'il avait vue si morne et si folle, en même temps dans son abandon. Même discours, même lecture, même vagabondage d'esprit, même oubli des lois sérieuses de la vie. Son observation se porta surtout sur les relations de Philiberte et de Pierre. Quelque chose d'inexplicable était entre eux, une certaine gêne qui arrivait par intervalles jusqu'à la raideur. Nulle expansion, quel que fût le hasard de la promenade ou de l'entretien. Les deux fiancés marchaient vers le mariage comme deux adversaires vers le lieu où doit être vidée la plus implacable des querelles. Mademoiselle de Montmeillon ne sortait presque pas de sa réserve. Son silence glacial n'était interrompu que par des mots âpres, secs, flamboyants comme la lame d'un poignard. Elle restait énigmatique, comme le premier jour où M. de Bléré l'avait vue. Sa beauté seulement s'était revêtue d'un caractère plus humain. Les traits du visage avaient plus de couleur et plus de vie. Les mouvements de son corps plus d'harmonie et de souplesse. Une flamme inconnue animait par éclair son sourire et ses yeux. M. de Bléré comprenait qu'on adorait Mademoiselle de Montmeillon. Il ne comprenait pas qu'on l'épousât sans amour. Un soir, et tandis qu'elle se retirait chez elle sans tendre la main à son fiancé, avec lequel, depuis une heure, elle n'avait guère échangé que des monosyllabes rapides et froids, M. de Bléré prit à part M. de Carlepont. « Pensez-y bien, » dit-il. La chose est-elle si bien résolue que vous ne puissiez plus donner au travers de votre mariage le coup de sabre du Macédonien ? Vous avez peur ? Répondit M. de Carlepont. Franchement, oui. Eh bien, je puis être malheureux et misérable jusqu'à en mourir. Je ne serai jamais un malhonnête homme. À la grâce de Dieu, alors, répliqua M. de Bléré qui serra la main de son ami.